Chapitre 2. Le voyageur qui entre dans la ville éternelle voudrait être orné des 100 yeux d'Argus pour embrasser toutes ses splendeurs à la fois. Les ruines gigantesques du Colisée, celles des thermes de Caracalla, les jardins Farnèse parsemés des débris du palais des Césars, le Forum, la colonne Trajane, l'église et la rue de Saint-Pierre, Saint-Paul hors des murs, tableaux, statues et mosaïques du Vatican, tout sollicite son admiration. Hélas, il faut bien l'avouer, pour rendre hommage à la vérité, Scaramouche ne songea pas à se repaître de ses merveilles. D'autres besoins absorbaient ses pensées. La bise soufflait avec violence, et les épaules du pauvre diable étaient mal protégées par un manteau de soie fort étriqué. De plus, son ventre criait tellement famine que le moine le plus repu en eût été touché de compassion. Lorsque le temps est pur, et le soleil radieux, a dit Madame Louis Figuier dans son Italie d'après nature, Rome est admirable. Mais que le temps change, qu'un certain vent venu des marais pontins souffle sur la ville, et tout aussitôt le tableau change complètement. Une odeur fétide emplit l'atmosphère, le ciel est sombre, les rues se transforment en cloaques fangeux, les murs sont livides, les monuments livides, les églises ressemblent à des sépulcres, et les ruines se couvrent de tons gris et lugubres. L'âme éprouve alors une tristesse, sœur de la nostalgie, qui fait trouver les heures éternelles, les voyages amers et la vie sans saveur. Telle était la situation d'esprit où se morfondait Scaramouche, non seulement à cause de la bise qui le glaçait, mais aussi parce qu'il s'ingéniait en vain à découvrir un prompt remède contre les tiraillements de son estomac. Il s'était arrêté au coin d'une rue, interrogeant d'un regard piteux les maisons, les boutiques, les passants, sans trouver une idée propice. Il commençait à désespérer lorsque, tout à coup, au miracle, l'idée lui apparut sous la forme d'une tabatière ouverte. « En usez-vous, Seigneur ?» dit une voix onctueuse. C'était un bourgeois bienfaisant qui venait de faire provision d'un excellent tabac parfumé de bergamote. « Le ciel vous le rende, magnifique Seigneur !» dit Tiberio, après avoir puisé dans la boîte une prise suffisante pour 10 amateurs, suivit une longue et voluptueuse aspiration que couronna un éternuement des plus héroïques. « Dieu vous bénisse !» fit en s'éloignant le bourgeois prodigue. La boutique du marchand de tabac était proche. Notre famélique voyageur n'en laisse plus sortir un client sans lui offrir, avec une gracieuse inclination, le pouce et l'index de la droite légèrement pressés l'un contre l'autre. S'il avait affaire à un soldat, il l'appelait mon capitaine. Si c'était un moine, mon révérend prieur. Une bourgeoise, ma noble dame. Une prise de tabac ne se refuse guère. Et comment résister aux grimaces et aux compliments de notre Tiberio? Les tabatières s'ouvraient donc à l'envi, et Scaramouche y plongeait non plus modestement le pouce et l'index, mais ses 5 doigts dans toute leur longueur. Le soir, ayant rempli un sac caché sous son manteau, il revendit à bas prix au marchand la récolte de la journée. Il se procura par cette industrie le gîte et la table, et obtint en outre la gloire d'être l'inventeur d'un nouveau tabac. En effet, dans les prises dont on le gratifiait, le tabac au jasmin, le tabac à la fleur d'oranger, le tabac à la rose et 20 autres se mêlaient agréablement, et il eut l'heureuse idée de baptiser ce mélange du nom de tabac aux 1000 fleurs. La boque s'attacha à cette création, mais hélas, il n'est point ici-bas de félicité parfaite. Un Suisse du pape, aussi pénétré de son importance que le premier moutardier, voyant s'engouffrer dans sa vaste tabatière la main de Tiberio jusqu'au poignet, saisit à 2 mains le manche de sa hallebarde et en frotta vigoureusement les épaules de l'indiscret priseur. Ce dernier, épouvanté, s'enfuit à toutes jambes et gagna la route de Civitavecchia sans regarder derrière lui, laissant son manteau déchiré en gage aux mains du Tudesque.